Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps. Bonjour à tous. L'État a ordonné tout le monde chez soi et on a tous obtempéré. Visiblement, il était plutôt temps en effet. Mais ça reste quand même assez dingue de voir avec quelle vitesse on s'est plié. Avec quelle vitesse, quelle facilité, le pouvoir s'est exercé sur nos corps, les a confinés, limités dans leurs déplacements, dans leur proximité, dans l'ensemble de leurs activités. On a un peu rechigné, mais finalement on s'est vite adapté à ce qui constitue pourtant la première suspension totale de toute liberté de circulation et de rassemblement de l'histoire de bon nombre de pays. Dans cet épisode, je souhaite remonter un peu la généalogie de ce pouvoir qui s'exerce sur nos corps, d'abord, et m'intéresser ensuite plus précisément à ce que le contexte de pandémie en fait ressortir. Il était une fois un philosophe nommé Michel Foucault qui théorisa le concept de biopolitique. Bio parce qu'il renvoie au corps, entendu comme individu ou comme population, et politique pour en évoquer la gestion. Il s'agit donc d'une forme d'exercice du pouvoir qui s'exprime principalement sur, dans et par les corps, pour en organiser le travail et la reproduction, les deux activités essentielles au maintien des États-nations. Pour cela, le pouvoir a recours aux différentes sphères de la société, en traversant tout un tas d'institutions médicales, juridiques, religieuses, éducatives, etc., etc. Pour encadrer l'ensemble de ces sphères, les élites au pouvoir définissent peu à peu un corps idéal qui doit servir de modèle. Ce modèle de corps dominant absolu, ou sans grande surprise, à l'image des élites occidentales qui se voient alors à l'aube de la conquête du monde. Elles mettent alors en place un classement, une catégorisation des individus, articulée autour d'une fiction de corps suprême qui se devrait d'être universel. Un corps blanc, masculin, valide bien sûr, avec deux bras et deux jambes, hétérosexuel, musclé, etc., etc. De là émergent différentes hiérarchies selon les contextes, entre des corps tolérés mais toujours strictement encadrés, parfois physiquement modifiés, des corps exploités, exotisés, disséqués, parfois moqués ou utilisés à des fins repoussoires. Puis, tous ceux qui dévient bien trop des normes, les corps irrécupérables, qu'il ne reste plus qu'à réprimer, à éliminer, ou bien à enfermer dans les hôpitaux, les prisons, les asiles. Les solutions variant selon les époques, les contextes et les besoins du pouvoir en place. Or, peu à peu, lorsque les États européens vers la fin du XVIIe siècle adoptent le libéralisme économique comme meilleure forme de gouvernement selon la raison, l'encadrement du pouvoir ne se fait plus de manière aussi strictement verticale via des institutions légales et punitives. S'adaptant aux mécanismes de marché, il va se faire de manière plus diffuse. Les normes s'immiscent au sein des individus, eux-mêmes, qui les incorporent et deviennent les principaux producteurs de contrôle, régulateurs et autorégulateurs. Nous devenons alors nos propres maîtres, nos propres geôliers, en nous surveillant tous les uns et les unes et les autres. Foucault parle d'un passage d'une société souveraine à une société disciplinaire. Pas seulement de punir ou de surveiller, mais c'est aussi de permettre la réforme morale de l'individu. Emmanuel Deschamps, professeur d'histoire et civilisation britannique à Paris 8, sur France Culture. Cette société disciplinaire peut être comprise selon le modèle du panoptique de Jeremy Bentham. Ce philosophe et jurisconsulte britannique, pionnier de l'idéologie de la pensée utilitariste, imagine un modèle de prison circulaire où les cellules individuelles sont disposées les unes à côté des autres autour d'une tour de surveillance de laquelle le gardien peut surveiller l'ensemble des prisonniers tout en assurant par un jeu de lumière que ces derniers ne puissent savoir s'ils regardent ou non dans leur direction, voire sans être vus. Comme les prisonniers au sein du panoptique, les individus de la société disciplinaire sont poussés à l'autodiscipline car ils intègrent pouvoir être à tout moment l'objet de surveillance. Ainsi, dès le plus jeune âge, les règles et les codes de bonne conduite se fixent dans nos têtes, se glissent sous nos pores, pénètrent nos pensées pour gouverner nos corps par cette fameuse magie de l'autodiscipline. Si ce contrôle des corps est peut-être davantage flagrant lorsqu'on s'intéresse à certaines institutions particulières, comme l'armée, aucun ni aucune d'entre nous n'y échappe vraiment. C'est qu'on circule dans les villes, on circule dans des prisons à ciel ouvert, en fait. Alain Damasio, écrivain sur France Culture. L'historien Norbert Elias évoque lui aussi ce phénomène d'incorporation des normes qu'il qualifie d'individuation. D'après son analyse, c'est à mesure que les sociétés occidentales s'individualisent qu'elles vont peu à peu intérioriser la discipline. Le mot de discipline résonnant selon son double sens de formation et de châtiment. Dès la fin du Moyen-Âge, l'alliage du protestantisme et du capitalisme autorise les individus à se penser en tant que tels, indépendamment du reste du groupe. L'émergence progressive d'une sphère privée est alors concomitante de tout un lot de nouveaux codes de bonne conduite, de pudeur, d'hygiène et de nouvelles condamnations du plaisir. Nos corps se mettent à distance. On instaure des limites à la promiscuité. Le pouvoir qui s'étend sur nos corps, c'est ce que bon nombre d'auteurs vont appeler la fameuse civilisation. Assimilé pour être civilisé. Maintenant, que fait ressortir le contexte de pandémie sur ces corps dits, entre guillemets, civilisés? Leur inégalité, tout d'abord. Et surtout l'inégalité dans leur appartenance à la communauté. Communauté des citoyens nationaux ou même des humains en général. Pour construire cet épisode, je m'appuie sur un article publié par Paul Béatrice Preciado dans El País le 28 mars dernier. Preciado recourt lui-même au travail de Robert Esposito, un philosophe italien. Celui-ci utilise la racine latine « monus », qui est l'impôt que les Romains devaient payer pour appartenir à la communauté politique. « Monus » donne le mot de « communauté ». Il donne aussi celui d'immunité pour qualifier la dispense de certaines dispositions politiques ou juridiques. « Monus » donne également le mot d'immunitaire, qui renvoie à la capacité de défense de l'organisme biologique face aux agents infectieux. Il a permis la construction du mot de « démuni », désignant ceux dans l'impossibilité de bénéficier de certains droits ou de certaines protections. Les sociétés biopolitiques recourent à différentes techniques pour « faire communauté » entre l'ensemble des immunisés, ceux qui sont politiquement protégés. À l'inverse, sont exclus de la communauté, et ce selon des degrés variables, celles et ceux qui, parce qu'ils et elles, viennent questionner les normes en place, parce qu'ils et elles ne rentrent pas clairement dans les cases prédéfinies, sont estimés dangereux et dangereuses pour l'équilibre de la communauté politique, et se trouvent donc relégués aux marges, démunis de leurs droits politiques, sociaux et ou économiques. Or, ce sont les corps sacrifiables, les éternels boucs émissaires, selon un schéma classique tant de fois répété dans l'histoire, particulièrement exacerbé dans les périodes de crise telles que la pandémie actuelle. Cette victime est perçue par tous comme responsable des désordres. Elle est celle qui cause la peste, n'est-ce pas? Par conséquent, elle est la puissance maléfique par excellence. Mais puisque sa mort réconcilie, puisqu'en fait il n'y a plus d'objet de conflit, elle devient, si vous voulez, aussi le sauveur. René Girard, historien, philosophe et anthropologue français, le 16 juin 1978, dans l'émission Apostrophe, Archives de l'INA. Notre ami Foucault s'était intéressé aux pandémies pour souligner comment, par la menace directe qu'elles exerçaient sur nos corps, ces dernières cristallisent l'obsession du pouvoir pour le contrôle des corps. D'une part, rappelle Preciado, les pandémies sont l'occasion d'un transfert des politiques de gestion de la population, dans ses naissances, ses décès, ses migrations, qui s'appliquaient jusque-là à un niveau national et qui va donc être ramené sur les corps individuels. La logique de la frontière est par exemple ramenée au pas de notre porte, voire à la surface de notre épiderme. Les mesures d'exclusion qui ne visaient jusque-là que les groupes catégorisés de déviants sont étendues à l'ensemble de la population. Foucault, Esposito puis Preciado vont même jusqu'à démontrer comment l'analyse de l'organisation biopolitique d'un État, c'est-à-dire la manière donc dont il organise son contrôle des corps, peut fournir des indicateurs sur le type de pandémie auquel cet État est vulnérable et aux méthodes qu'il emploierait pour tenter de la gérer. Bon, à ce niveau-là d'abstraction, afin qu'on reste bien tous à bord du navire sociologique, je crois qu'il est temps d'illustrer par quelques exemples historiques. Toujours dans le même article, Preciado donne l'exemple de la syphilis qui a frappé l'Europe coloniale entre le XVIe et le XIXe siècle. Je vous accorde corde qu'on aimerait bien que le Covid ne dure pas aussi longtemps. D'après les scientifiques de l'époque, la syphilis, maladie sexuellement transmissible, venait des populations indigènes colonisées, ramenées par nos bons vieux colons violeurs à la maison. Donc l'organisation politique proprement coloniale qui a permis cette contamination. Et c'est sous prétexte de l'endiguer qu'ont fleuri partout des lois interdisant les mariages mixtes et réprimant de façon générale les relations sexuelles entre personnes dites de races ou de classes différentes. Au cas où ils auraient encore manqué un peu d'arguments bidons pour justifier la soi-disant supériorité de la race blanche. Dans le cas de la syphilis, c'est assez clair. Les immunisés seront les blancs colons bourgeois européens. Les démunis seront toujours les colonisés, bien sûr, mais auxquels on ajoute la figure de la prostituée, qui devient l'incarnation de tous les fantasmes de dangerosité. La menace du sacro-saint équilibre matrimonial ouvrant la voie à une vague de répression et de réclusion de la prostitution dans les bordels, en guise de gestion immunitaire. Sauf que, comme nous le rappelle Preciado, ce n'est pas cette exclusion qui a vaincu la maladie. À part vulnérabiliser davantage les prostituées et les autres démunis, celle-ci aurait continué ses ravages sans l'invention de la pénicilline en 1928, à l'époque d'ailleurs où paradoxalement les mœurs sexuelles commençaient à se détendre un poil. Autre exemple paradigmatique, le sida dans les années 80. Dans son livre « Aux origines du sida », Jacques Pépin, professeur en microbiologie et maladies infectieuses, montre comment la propagation du VIH est directement liée à la structure coloniale en place au Congo, via des injections contaminées massives, d'une part, le développement de la prostitution en zone urbaine, puis le tourisme sexuel en Haïti. Pas de plus, bien que la contamination soit directement liée à l'organisation coloniale, ce ne seront pas les blancs colons hétéros et pénétrants qui seront mis en cause. Les parias, les démunis, ce seront les homosexuels, particulièrement ceux issus de l'immigration africaine, les travailleuses du sexe, encore une fois, et enfin les héroïnomanes et les hémophiles. Alors là encore, nous rappelle Preciado, ce n'est pas la répression et l'exclusion de ces populations qui a permis d'endiguer l'épidémie, mais plutôt les progrès au niveau social, à savoir, je le cite, la dépathologisation de l'homosexualité, l'autonomisation pharmaceutique des pays dits du Sud, l'émancipation sexuelle des femmes et de leur droit à dire non aux pratiques sans préservatif et l'accès à la population affectée, indépendamment de son degré et de sa classe sociale, aux trithérapies. Fin de citation. En attendant, la stigmatisation des homos servait bien le renforcement de l'idéal politique du corps mâle hétéro et pénétrant. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Bon, retour à notre Covid-19. Après l'avoir replacé dans le contexte de mondialisation, Preciado montre également comment, par le mythe de l'espace Schengen, l'Europe s'est construite comme une communauté politique s'immunisant à ses frontières face aux soi-disant dangers extérieurs. La technologie de défense immunitaire utilisée englobe l'ensemble de ces politiques migratoires, des centres de rétention de réfugiés aux accords de Malte ou des négociations avec la Turquie aux opérations de Frontex. Or, le Covid ne s'est pas encombré des frontières physiques. Il est bel et bien là, et avec lui vient de voler en éclats une partie de la fiction Schengen. La fermeture des frontières, le resserrement des politiques d'isolement, de restriction à nos maisons et à nos corps individuels. On ne définit plus vraiment de population cible, a priori. Les fameux démunis, pas vraiment identifiables, puisqu'on est tous susceptibles d'attraper le coronavirus auprès de n'importe qui. L'enfer, ce serait bien les autres et tous les autres. Preciado souligne néanmoins des différences dans la gestion de l'épidémie entre nos différents pays. Si des pays comme la France se contentent pour l'instant de mesures classiques de confinement, correspondent vraiment au modèle de contrôle propre à une société disciplinaire, les techniques mises en place par Hong Kong, la Corée du Sud ou encore Israël reflètent elles déjà l'avènement d'un nouveau type de contrôle propre à une nouvelle phase capitaliste. Le pouvoir ne s'exerce plus seulement sur les corps, mais aussi au sein même de ces derniers, par l'intermédiaire de tout un tas de nouvelles technologies. Welcome. Dans la dystopie de l'ère numérique et de l'injonction à la vigilance pour tout le monde et vis-à-vis de tout le monde. Au panoptique, les malades sont étroitement surveillés à partir de leur matériel informatisé, téléphone, carte de crédit, toutes ces quasi-prothèses technologiques de l'homme moderne. Big Brother. Ainsi, Alors qu'en Italie, les opérateurs téléphoniques jouent le rôle des gardiens du confinement, en Pologne, c'est à la charge des individus mis en quarantaine de se prendre eux-mêmes en selfie chez eux pour prouver leur autodiscipline. Et le contrôle ne s'arrête pas au mouvement du corps. Le pouvoir s'enquiert également de votre température. Malheureusement, l'heure n'est déjà plus à l'indignation face à cette version 2.0 de Big Brother. On a déjà en partie intégré ces possibilités d'immixtion dans nos sphères privées et de contrôle de nos mouvements. Ça fait plusieurs années que la lutte antiterroriste nous y prépare, puisant elle-même dans les lois scélérates et autres dispositifs d'exception qui visaient jusque-là les déviants. La course aux meilleures techniques de surveillance des corps est donc lancée. Pour l'instant, le débat en France autour d'une application de traçage des malades reste feutré. Macron lui-même prenait ses précautions dans son discours du lundi 13 avril en évoquant la possible mise en ligne d'une application de détection des porteurs de virus. Pour nous rassurer, l'application envisagée se ferait sur la base du volontariat et la détection ne serait pas centralisée à base de GPS ou autre, mais se ferait par Bluetooth sur les appareils à proximité. Il a bon dos le volontariat. Habile manière de nous faire apprivoiser un nouvel arrivage de politique liberticide. Comme l'analyse l'anthropologue Didier Fassin ou encore le réalisateur et romancier Marc Duguin dans son essai « L'homme nu », les incitations néolibérales et à la surresponsabilisation, voire à la culpabilisation des individus, continuent de grignoter lentement mais sûrement l'ensemble de notre vie, jusqu'au domaine de la santé. Voici un extrait de L'homme nu, la dictature invisible du numérique. À toute seconde de notre existence, nous générons des informations sur notre santé, notre état psychique, nos projets, nos actions. En résumé, nous émettons des données. Cette production est désormais collectée, traitée, puis corrélée par des ordinateurs aux capacités de stockage et de calcul gigantesques. L'objectif des big data est ni plus ni moins de débarrasser le monde de son imprévisibilité, d'en finir avec la force du hasard. Jusqu'ici, les raisonnements statistiques et probabilistes sur des échantillons de population plus ou moins importants laissaient une place à l'interprétation. Avec la révolution des big data, le raisonnement aléatoire disparaît progressivement au profit d'une vérité numérique fabriquée à partir de données personnelles que 95% de la population, celle qui est connectée, accepte de céder. Dans quelques années, il sera possible, en multipliant les corrélations, de tout savoir, sur tout. Tout au long de son ouvrage, Marc Duguin montre bien à quel point cette dictature du numérique imprègne de plus en plus tous les domaines de notre société et que le pire, c'est que c'est nous-mêmes qui consentons à lui donner sa principale source d'alimentation en lui consentant nos données. Marc Duguin parle à ce titre de nouvelle servitude volontaire. Qui a accès à ces données ? Pour en revenir à l'application, au-delà de tout son aspect éthique, on peut également s'interroger sur l'efficacité même d'un tel dispositif. D'une part, ça y est, on semble considérer que tout le monde a un smartphone. Belle négation, encore une fois, des fractures sociales ou même d'âge. De même, si son recours n'est basé que sur le volontariat, sa fiabilité peut sembler assez aléatoire. Sans parler de tous les porteurs sains, qui ne manifestant pas de symptômes n'auront donc pas fait le test. Autant de passagers clandestins invisibles, donc, au sein de ce faux cocon immunitaire qu'on essaye de reconstruire. Il est surtout hypocrite de ne pas imaginer le corollaire de paranoïa générale, de stigmatisation, d'éviction qu'une telle application induira. Bienvenue dans la version moderne de la clochette du lépreux. N'étant plus à un paradoxe près, cela ne semble d'ailleurs pas choquer grand monde qu'en parallèle de la discussion d'un tel fichage, on soit prêt à réouvrir les écoles dès le 11 mai. Les mêmes écoles qui avaient été les premières à fermer, justement parce qu'elles constituaient les plus grosses niches potentielles de petits porteurs et porteuses sains et saines au mètre carré. Donnera-t-on à nos enfants aussi un appareil pour se détecter entre eux, ou bien juste au personnel adulte? Alors, on peut toujours m'objecter qu'on a quand même la possibilité de se faire exempter par son médecin de la reprise du travail. Néanmoins, d'une part, les conditions d'exemption sont pour l'instant assez floues. Si on regarde le document fourni par le ministère, celui-ci fixe des conditions extrêmement restreintes. En gros, il faut avoir plus de 70 ans ou être vraiment sacrément malade. Pour les autres, c'est plutôt au cas par cas. À voir avec son médecin et son établissement, ce qui est assez inquiétant. D'autre part, comme pour le fichage par application sur smartphone, sous couvert d'être invité à justifier de notre vulnérabilité, on se retrouve encore une fois à devoir céder des informations sur notre état de santé. Mais voilà, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle chante toujours la rengaine. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, et puis à la guerre comme à la guerre. C'est pas la circulation qui pose problème dans les pandémies, mais c'est les conditions d'expansion d'un virus dans un million donné, les conditions écologiques, les conditions sociales, les conditions de vie. Ça, je crois que c'est une leçon qui est très importante à rappeler, et là, en particulier à ceux et celles qui nous gouvernent. Guillaume Lachenal, maître de conférence en histoire des sciences à l'Université Paris Diderot, dans l'émission Le cours de l'histoire du 10 janvier 2020 sur France Culture. Ainsi donc, nos gouvernants, qui sont pourtant toujours incapables de fournir l'ensemble des équipements de base, en ont déjà marre de se contenter des mesures de précaution qui, bien que contraignantes, nous mettaient à ce niveau-là tous et toutes pour une fois sur un pied d'égalité. Étrange priorité de budget d'ailleurs que ce programme de recherche autour de cette fameuse application. Mais peut-être espère-t-il ainsi donner l'illusion de faire quelque chose. Surtout si ce sont les écoles qui réouvrent, mais pas les universités, c'est que la garde des enfants commence à peser. Et il s'agit de vite remettre tout ce beau monde au travail pour relancer la course au profit. Et tant pis si cela traduit une nouvelle fois cette obsession sociétale pour toujours plus de contrôle et un certain niveau d'individualisme par une sorte de chacun pour sa peau, c'est la dure loi de la jungle. We only wanted to make the world better. Better? Better never means better for everyone. Avec le Covid, le groupe des parias n'était plus aussi facile à identifier que pour la syphilis ou le VIH. Il y a bien eu une première vague de racisme, notamment vis-à-vis des Asiatiques. Mais lorsque le confinement est devenu obligatoire pour tout le monde, cela a perdu de son sens. Par ce projet d'application, nous voilà donc au travail pour visibiliser cette nouvelle catégorie de personnes à damner de la communauté. En réalité, notre société patriarcale, raciste, classiste et inégalitaire s'est déjà en partie chargée d'ouvrir la voie à l'épidémie pour que celle-ci fasse le tri entre les corps préservés, ceux sacrifiables, et ceux de toute façon sacrifiés. Appli ou pas, dans les faits, les parias sont déjà bel et bien là. Les inégalités et l'ensemble des oppressions propres à ce bon vieux système se chargent de leur cas. Pas de grande surprise, les premiers corps touchés sont ceux qui occupaient déjà le bas et les marches de la pyramide communautaire. Pour une liste non exhaustive, citons le cas des SDF, par exemple. Directement exposés quand ils ne sont pas incriminés. Et hop, je transfère la parole à Juliette qui m'a aidée à la préparation de ce podcast. Celui des réfugiés est également parlant. Outre les conditions très précaires des squats et des centres d'accueil dans lesquels ils sont confinés, le préfet de Seine-et-Marne a appelé les réfugiés à se mobiliser pour faire face au manque de main-d'œuvre des maraîchers. Parce que oui, quand les frontières sont fermées et qu'on manque de bras, on se rappelle de leur existence. Mais qu'en est-il de ceux et celles qui sont enfermés dans les centres de rétention administrative ? Depuis le début de la pandémie, l'État a poursuivi une politique d'enfermement malgré la fermeture des frontières. Aucune mesure sanitaire n'a été prise pour empêcher la propagation du virus à l'intérieur de ces centres de rétention, alors que plusieurs cas de personnes contaminées y ont été recensés. En plus du coût psychologique de la suspension des visites, de la restriction des heures de promenade, etc., le bilan sanitaire pour ces détenus va être encore plus noir. C'est pour ça que des séries de protestations ont éclaté au sein de ces établissements. Les personnes enfermées demandent à être libérées face à l'épidémie et ces manifestations sont durement réprimées. Plusieurs grèves de la faim ont notamment été entamées et sont encore en cours. Des associations comme la CIMAD tentent de recueillir les témoignages des personnes enfermées et de leurs proches par téléphone. On a un exemple ici que je vais lire qui est relayé par Médiacité. C'est un témoignage en date du 17 mars 2020 depuis un centre de rétention de Lesquin au sud de Lille. Il s'agit d'un homme algérien, prisonnier et père de deux enfants. Soit on meurt de faim, soit on meurt du coronavirus. On a tous très peur, ce sont nos vies qui sont en jeu. Ici, c'est la panique et tout le monde s'en fout. On s'est adressé à plein de gens et personne ne nous répond. Pour qu'on nous écoute, je ne vois pas d'autre moyen que la grève de la faim. L'exemple de la grève de la faim est vraiment intéressant car il montre comment dans ces situations extrêmes de démunition, le corps là encore se retrouve en premier sur la ligne de front. Les travailleurs et travailleuses du sexe rejoignent elles aussi la longue liste des corps exposés et particulièrement précarisés qui ne seront certainement pas touchés par les mesures de soutien financier du gouvernement. De façon générale, aux côtés de certaines professions libérales, les corps les premiers sacrifiés ne sont pas parmi les plus grassement rémunérés. Éboueurs et éboueuses, employés de supermarchés, de transports, travailleurs et travailleuses Uber, étudiants en dèche, auxiliaires de vie. On rappelle au passage que les femmes sont souvent en tête de représentation de la plupart de ces professions. Bref, encore une fois, c'est une bonne partie de la classe laborieuse qui a le plus de chances d'être contaminée. Et si elle ou elle ne finissent pas hospitalisées, ont en tout cas donc sûrement les chances de faire office de nouvelles classes dangereuses, bientôt visibilisées par la nouvelle application. On pense bien sûr aux corps les plus vulnérables de façon générale, malades ou personnes âgées. Ces corps sont les premiers frappés et les premiers à mourir du Covid ou des conséquences du confinement. Oui, car on peut aussi mourir de solitude, notamment en EHPAD où les fermetures sont là aussi suspendues et où les résidents, déjà d'ordinaire très isolés, n'ont plus de contact entre eux et le strict minimum de contact avec le personnel soignant. On peut aussi mourir sous les coups des hommes violents. Rappelons que les violences domestiques auraient augmenté d'au moins 30% depuis le début du confinement d'après les associations contre les violences conjugales. Et ce, alors que le numéro d'urgence nationale a été suspendu la première semaine du confinement pour cause de mauvaise réorganisation étatique, là encore. Il faudra aussi compter avec toutes les victimes de la congestion des services hospitaliers qui ont pu bénéficier dans les temps nécessaires du traitement nécessaire. Il y a les personnes souffrant de troubles psychiques ou psychiatriques graves qui peuvent être d'ailleurs exacerbées par le confinement ou donc particulièrement à risque. Enfin, au-delà de la mort ou de la contamination, il y a bien sûr ces corps de soignants qui, déjà opprimés et ignorés par des années de politique néolibérale, se trouvent aujourd'hui encore plus esselés sur le plan physique et moral. Je travaille actuellement sur un projet d'émission dédié spécifiquement à la retranscription de leur expérience qui sortira sûrement après le confinement. L'union fait la force, je viens du coin en marchant pour t'expliquer que pour défendre les patients, on va te montrer ce qu'est la fraternité. De restriction, d'exclusion et pour endiguer la cascade de catastrophes à laquelle amène l'incapacité des pouvoirs néolibéraux à faire face à cette crise, Preciado rappelle dans son article dans El País que la résilience de la communauté viendra bien sûr de transformations profondes de nos manières de vivre et de faire communauté. Deux choses me semblent essentielles dans ce qu'il propose. Tout d'abord, il est évidemment urgent de repenser au niveau planétaire notre façon de penser la connexion entre nos corps et le reste du monde, et cela va bien au-delà d'une politique écologiste. Puis, une transformation de l'ensemble de nos rapports économiques et politiques, où les frontières n'ont tout simplement pas leur place. Peut-être une piste de travail pour tenter de désamorcer la pandémie dans les semaines à venir, ou au moins faire face sur le long terme aux pandémies à venir et aux autres catastrophes climatiques. D'autre part, il est également fondamental de rester alerte face aux manifestations directes du pouvoir et à sa progressive mainmise digitale sur nos corps. Now I'm awake. Au titre, il est urgent de résister et de se réapproprier ces technologies. Bon, à la fin de son article, Preciado appelle carrément au blackout total technologique pour se replonger dans les livres d'histoire, étudier les mouvements révolutionnaires amorcés par les différentes minorités afin de préparer la fameuse transformation sociétale. Moi, la première, je ne me déconnecterai pas, pour la simple et bonne raison qu'Internet me permet de produire et diffuser ces podcasts qui font partie de mon processus de résistance que je continuerai d'étoffer dans les épisodes à venir. Plutôt qu'à la déconnexion, j'en appellerai à la réappropriation de nos moyens de communication. Pour communiquer avec les plus isolés et les plus exposés, pour filmer les dérives policières dont on pourrait être témoin et qui frappent déjà en premier lieu les corps les plus stigmatisés. J'ai marre de leur laisser le monopole du vocabulaire, j'ai moi aussi envie de me réapproprier une expression fétiche de nos gouvernants. Restons vigilants. Mais pas vigilants au sens d'une défiance et d'une parano généralisée, mais plutôt au sens de solidaire. Car s'il y a quelqu'un à surveiller, c'est bien le pouvoir et ses dérives autoritaires. Dans sa conception du panoptique, Jeremy Bentham avait également prévu des couloirs extérieurs ouverts à l'ensemble de la population pour que celle-ci puisse non seulement observer les prisonniers, mais également le comportement des geôliers. Enfin, je crois que ce retour à la menace constante sur nos libertés appelle grandement à ce que nous nous positionnions tous, une fois pour toutes, contre l'usage fait de nos données et que nous nous informions sur les techniques déjà existantes d'autodéfense numérique. Et à ce niveau-là, j'ai moi la première un sacré taf à faire. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien. On je vous remercie de votre attention. Merci aussi à Juliette et Mathieu pour leur aide. Je mets les crédits des différents extraits sonores en description. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez me faire part d'un sujet lié au corps que vous aimeriez aborder, si vous avez un texte, une chanson, un témoignage, tout ce que vous voulez à partager. A très vite pour un nouvel épisode d'Abra le corps. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, my body, my body. C'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps.